Dans notre flash sur l'artiste, nous avons rencontré pour vous l'homme qui fait danser tout le monde en ce moment avec son bec compact, Atis Ponche. Flash sur l'artiste, pour tout savoir sur les activités des artistes haïtiens. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Ponche a tenu à nous rendre hommage. Avant tout, je remercie un gros Greg qui a frappé vraiment bien ensemble avec Billboard et son émission que tout le monde a un moment couru d'elle. Et bon, j'avais tout le monde qui branché en Billboard et tout le monde qui remet ça à fait là. Ponche fait vibrer la toile en ce moment avec son coup de poker baptisé Big Compact. Pourtant, il n'est pas à son premier coup d'essai. Il rend hommage à celui qui l'a initié dans la musique, tout en faisant le point sur ses premiers titres. Musique, nous qu'a dit, musique, moi, commencer et avec règlement. Et monsieur contre le beat, sur nous a fait longtemps. Et monsieur qu'on est avec monsieur contre chanter, monsieur fait beat, bah, sur nous donner un petit projet nous là ensemble. Je nous donnais Rex tout d'avant, et puis après nous venons ensemble. Le projet style toujours continue. Et j'ai toujours frappé le beat pour moi, j'ai toujours style là pour chanter, j'ai un projet parlé, moi-même tout. Alors, première musique, moi, c'était capable de la vidéo. Il y a une raison qui fait que j'ai choisi tout ça, c'est parce que grand pile et moi, qui. Grand pile fille qui a une relation trop bonne. Et que ça arrivait que un partenaire m'a protégé ta vie. Mais si toutefois, tu as des autres qui fait, est-ce que tu as une responsabilité? C'est une raison qui fait que j'ai mis la musique ça. Alors, je vais par son message, ben, j'ai dit, étant donné que c'est le rap, c'est des styles, ça fait mener un moment, je vais le passer pas là. Alors, c'est ça. Et moi, j'ai travaillé et qu'elle était sortie. Il n'a pas fait un hit, mais elle était arrivée dans un monde de vie. Et je crois qu'il était fait le chemin. Après ça, je me suis fait un surtout des deux musiques, ça a été des vidéos. Et il y a plusieurs autres bagages encore comme musique, il y a fait quelques collabos, il y a plusieurs autres bagages encore comme fait la musique. Ouais, ma belle n'est pas fini, mais ma épaule, moi, dis-moi que n'est pas fini. L'artiste s'est surtout penché sur le compas parce qu'il veut le voir bien plus loin. Toutefois, il a voulu apporter son grain de sel en changeant un peu les sujets. Allez, on l'avoue, personne n'avait imaginé cette tuerie. Une bagarre qui pousse plus fait compas, c'est parce que nous-mêmes, c'est ça, nous gagnons la gagne. C'est compas, nous gagnons la gagne, nous gagnons la racine la gagne. Pour qui ça, pendant mal aux États-Unis, pour jouer un gars. Enjoy ensemble avec trap music, on est capable enjoy avec house, pop and stuff. So pour qui ça me bagage en compagnie en tout cas, marcher même avec Despacito, Racine n'a pas marché même avec Despacito. Et puis il me dit, il y a une barre qui me manque, il me dit depuis bien compas, il dit directement parler de femmes. Il dit soit la femme n'a quitté ma partenaire encore, à pour qui ça a quitté ma lé, et pour qu'il ne comprenne pas moi, tout le monde soit mélangé. Et je me dis ok, so, je pense que à l'aide de compas, je vais compas mélanger ensemble avec style femme. Et puis moi bah mon autre facette parce que beaucoup j'aime dans nos musiques compas côté que je dis ah n'est-ce pas un bout soin, ah mais que ça peut passer, vous me jouez en basket là, je suis tellement content, vous me faites quoi là, n'est-ce pas. C'est toujours son autre. Bon, bah vraiment comme si compas c'est ça je l'ai dit. Donc moi je me développe mes touches pas au moins. Et bon, avec Comédia, bien sûr, avancer comparé à peut-être mettre nos niveaux différents. Bien que Nego fait tout, ça vient pour faire tout. Et c'est une raison qui fait pas faire ça musiquement, c'est parce qu'on connaît que Nego comparé vraiment tellement fort, tellement extraordinaire, on va qui ça, on décadit qui peut la dépasser. C'est une raison qui fait me faire pas mal différent. Et on fait là avec un refrain ensemble avec échauffement et puis c'est une raison qui va me mettre en bas, je dis. La La question qui se pose, comment Atispanche a-t-il conçu ce track devenu viral? Il nous explique. Dès qu'on va son beat qui est fait qu'on spot, et puis ma bonne idée, c'est moi et ma soeur avec Raymond qui t'a fait des plans pour spot là. Et puis on a beat là, ma tête de jeune mélodia, une mélodie. Puis, tout n'est qu'à peine joli, jolie, on doit faire ça. Puis pendant que je me fais du refrain, moi tout n'est qu'à répondre à la donne. Je dis, ah, monsieur, ça va bon, ça va quand machin, prends le téléphone, mon côté. Mettez là. Et puis, dans deux messieurs, je viens de me mettre voir. Je dis, monsieur, je ne vais pas faire un lien avec plus. On a mis des voix. Bon. Et heureusement, Baby Joe est là ensemble avec nous. Baby Joe est là. Il travaille dans nos centres. Il est toujours mis des idées par lui. C'est un projet là. Tout n'est toujours mis des idées par lui. Et puis, oui, c'est monsieur qui vient avec lui. C'est l'idée, monsieur. Et puis, c'est l'autre bagarre encore. Si on nous met ensemble, et puis nous réalisons, nous baillons comme ça. Mais, c'est des bagues qui fait trois heures comme si hey ça bon ça va mettre ça va bon mettre ça mais ça nous mettez idée on tibet le tibet trois tibet qui l'autre bague encore nous mettez ouais bah aux autres là c'était refaire ça comme de même ça m'a fait oui ça c'est Baby Joe metal comment bah aux autres là bah aux autres là c'est idée juste monter notre comme ça c'est comme si t'es un beat qui doit passer. On va dire ram sam sam bouli bouli bouli bouli ram sam sam qui vraiment pas bien qui c'est presque son feeling lié dans la musique mais comme ça on dit notre c'est feeling beat là qui fait me dire et pas nous dire moi qui pas déranger tout le monde mais qui fait bien tout donc on est joko yo qu'on est censé et on garçon bien fait qui est bon l'autre bien joko qui est physique tout et bon par contre comment bien l'autre monde qui prend mais je pense que le cafonnier que tout le monde a compris, il y a un jeu. Panche ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. La musique est déjà sollicitée par quelques promoteurs et l'artiste se voit bien continuer sur cette voie. Bah aujourd'hui, Clou, Ben Kova, à bien vidéo. Et on travaille sur ça. Et puis, pour bien plus de la musique, Ben Kova. Et n'a même fait album. So, continue à faire normal. On a bien enjoy. Et une CD ou bien des vidéos. Ça veut dire que nous, on a blagué musique et on a blagué des coups de vidéo. Alors, et. Je n'ai pas travaillé sur des combats là. On a supposé que je suis là demain si Dieu veut. On le veut tunnel. Et puis, on n'a pas pensé ensemble avec le combat. C'était Atispanche, un comédien bourré d'avenir qui vient de montrer encore une fois qu'il a plusieurs cordes à son sac. Mon beau fanatique, c'est merci chaque jour. Parce que c'est sans vous, je ne suis pas Atispanche. You share, you like, you commenté. So, ça vraiment extraordinaire. So, nous toujours être fidèles à vous. C'est à l'aide de nous-mêmes qui fait des compas marcher là, qui fait vidéo blaguer ou à marcher. Et que. Plusieurs autres monde dans le pays a découvert que nous ne pouvons pas suspendre nous. Merci, moi, je suis en pile. Et nous ne pouvons jamais suspendre le travail. Nous faisons que nous sommes contents et nous retirons le stress. Donc, alors, moi, je suis en pile et toujours continuer cher. Et puis, moi, là, je vous dis bien. Vous avez regardé Billboard. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram en tapant Billboard Event et contactez-nous pour participer à nos différentes rubriques. Un remerciement spécial à tous nos partenaires et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Billboard.